إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est aujourd'hui dans le cours numéro 8 dans l'explication du livre Haqiqatul Wala'i wal Bara fil Kitab wal Sunnah, qui est écrit par le Cheikh Dr. Issam ibn Abdullah al-Sinani et qui est relu et préfacé par le Cheikh Dr. Saleh ibn Fawzan al-Fawzan, Adou Hayat Kibar al-Ulama wa Adou al-Lajnat al-Da'ima l'Ifta bil Mamlakat al-Arabiyat al-Saoudiya. Donc on est arrivé au dernier cours, on a commencé les preuves qui indiquent l'obligation de Al-Wala wal-Bara, et on a mentionné le premier verset, on a mentionné quelques versets dans l'introduction, et puis après on a mentionné le premier verset qui est mentionné comme preuve avec l'explication du Cheikh Sa'di, Abdurrahman Sa'di dans son tafsir, et on a rajouté à ça également les explications du Cheikh Saleh Al-Fawzan au sujet de At-Taqiyya, et on a expliqué les détails à ce sujet-là aussi. Maintenant, on commence avec le deuxième verset qui est mentionné par le Cheikh. C'est le verset dans lequel, le verset 89 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. Donc ça c'est le verset, comme on a dit, 89 dans Sourate An-Nisa. Le Cheikh l'a cité comme exemple, comme preuve par rapport à la question de Al-Wala wal-Bara. Le verset signifie donc ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit, la signification de ça dans la traduction qui a été faite en français, c'est: ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont eux-mêmes mécru, alors vous seriez tous égaux. Ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont eux-mêmes mécru, alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux jusqu'à ce qu'ils émigrent, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'ils fassent la hijra dans le sentier d'Allah. Mais s'ils tournent le dos, saisissez-les alors et tuez-les où que vous les trouviez. Et prenez parmi eux ni alliés, et ne prenez parmi eux ni alliés ni secoureurs. Donc on va lire l'explication de qu'est-ce que dit ici Cheikh Abdurrahman Sa'di dans son tafsir de ce verset. Donc le Cheikh dit: قال العلامة السعدي في تفسيره تيسير الكريم الرحمن فأخبرهم الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكوا بل أمرهم واضح غير مشكل أو غير مشكل فإنهم منافقون قد تكرر كفرهم ودوا مع ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم فإذا تحققتم ذلك منهم فلا تتخذوا منهم أولياء وهذا يستلزم عدم محبتهم لأن الولاية فرع المحبة ويستلزم أيضا بغضهم وعداوتهم لأن النهي عن الشيء أمر عن ضده أو النهي عن النهي عن لأن النهي عن الشيء أمر بضده وهذا الأمر مؤقت بهجرتهم فإذا هاجروا جرى عليهم ما جرى على المسلمين كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري أحكام الإسلام على كل من كان معه وهاجر إليه سواء كان مؤمنا حقيقة أو ظاهر الإيمان وأنهم إن لم يهاجروا وتولوا عنها فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم أي في أي وقت وأي محل كان هذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم كما هو قول جمهور العلماء والمنازعون يقولون هذه نصوص مطلقة محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh il explique que ce verset là il est à propos des hypocrites. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit que il ne faut pas que vous soyez confus à leur sujet ni que vous doutiez au sujet de leur situation parce que leur situation elle est claire et elle n'est pas compliquée à comprendre. Ce sont des hypocrites dont on a vu paraître d'eux plusieurs fois la mécréance. Et ils aimeraient en plus de cela que vous deveniez mécréants comme eux, hein, pour que vous soyez comme eux, égaux comme eux. Et lorsque vous avez réalisé ça de leur part, c'est-à-dire que vous avez constaté que ce sont effectivement des gens qui sont des hypocrites, alors ne prenez pas d'eux aucun allié. Ne prenez d'eux aucun allié. Et ça implique de ne pas les aimer, parce que يعني الولاية c'est une des branches de l'amour, c'est une des aspects de l'amour. Donc quand tu vois quelqu'un comme un wali, ça veut dire que tu l'aimes, hein? Et il dit que ça implique également de les détester, hein, et d'avoir de l'animosité pour eux, parce que dans la charia il y a un principe qui dit que l'interdiction d'une chose est l'ordre de son contraire. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala il interdit quelque chose, c'est-à-dire qu'il ordonne, il rend obligatoire le contraire de cette chose. Donc si il nous interdit par exemple de prendre ces gens-là pour alliés, ça implique qu'il nous ordonne de les détester, de ne pas les aimer. Na'am. Et il dit que cet ordre était limité jusqu'à ce qu'ils fassent la hijra. Et une fois qu'ils avaient fait la hijra, eh bien, on appliquait sur eux les règles qui s'appliquent aux musulmans. Ils avaient les mêmes droits et devoirs que les autres musulmans, et les musulmans avaient les mêmes droits et devoirs envers eux. Qu'ils soient des musulmans réellement, c'est-à-dire musulmans dans la réalité, intérieurement et extérieurement, ou qu'ils soient uniquement des musulmans en apparence et qui cachent leur hypocrisie, comme c'est le cas des hypocrites qui laissent paraître la foi et qui sont dans leur cœur mécréants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam agissait envers eux de la même manière, hein, parce qu'il jugeait uniquement par rapport à l'apparence et non pas par rapport à la par rapport à la connaissance qu'il avait du fait que c'était des hypocrites. Et ensuite il dit وَأَنَّهُمْ إِنْ لَمْ يُهَاجِرُوا وَتَوَلَّوْا عَنْهَا فَخُذُوهُمْ. Donc ici par la suite ils ne faisaient pas la hijra, qu'ils s'en détournaient, alors de les prendre et de les tuer là où ils étaient trouvés, là où on les trouvait. C'est-à-dire, peu importe le moment ou l'endroit. Et ça, c'est, le cheikh il dit, ça fait partie des preuves qui montrent que le combat dans les mois sacrés avait été abrogé. Le combat dans les mois sacrés avait été abrogé, comme c'est la parole de la majorité des ulama. Et certaines personnes qui ont divergé avec le jumhur des ulama ont dit que ce sont des versets qui sont généraux et qu'on doit prendre de façon spécifique par rapport à l'interdiction de combattre dans les mois sacrés. Donc ça, c'est la fin de cette parole de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di. Donc c'est pour expliquer qu'on ne doit pas prendre les kuffars pour allier de façon générale. C'est un verset qui indique ce point-là, la question de Al-Wala wal-Bara. Le point numéro 3, ou le verset numéro 3, c'est le verset 138 dans Sourate An-Nisa. Le verset 138 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَبَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Donc le verset qui dit et annonce la bonne nouvelle aux hypocrites qu'ils auront un châtiment douloureux. Ceux qui prennent les mécréants comme alliés en dehors des croyants. Est-ce la puissance qu'ils recherchent auprès d'eux? Car la puissance tout entière appartient qu'à Allah. Donc, c'est les versets 138 et 139 dans Sourate An-Nisa. Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, il dit dans son tafsir, Taysir al-Karim al-Rahman, Al-Bisharatu tusta'malu fil khayri wa tusta'malu fil shar biqaydin kama fi hadhihi al-aya. Yaqulu ta'ala, بشر المنافقين أي الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر بأقبح بشارة وأسوأها وهو العذاب الأليم وذلك بسبب محبتهم الكفار وموالاتهم ونصرتهم وتركهم لموالاة المؤمنين فأي شيء حملهم على ذلك أيبتغون عندهم العزة وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين ساء ظنهم بالله وضعف يقينهم بنصر الله لعباده المؤمنين ولاحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين وقصر نظرهم عما وراء ذلك فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم وينتصرون أو يستنصرون والحال أن العزة لله جميعا فإن نواصي العباد بيده ومشيئته نافذة فيهم قد تكلف بنصر دينه وعباده المؤمنين ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنين وإدالة العدو عليهم إدالة غير مستمرة فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين وفي هذه الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين وترك موالاة المؤمنين وأن ذلك من صفات المنافقين وأن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض الكافرين وعداوتهم. Donc le cheikh il dit, l'allama al-Sa'di dit dans son tafsir de ce verset 138 et 139 dans Sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset wa bashir al-munafiqin, et bashir c'est le verbe qui vient de al-bishara, et al-bishara en général c'est utilisé pour dire une bonne nouvelle, hein, pour dire une bonne nouvelle. Mais le cheikh il explique ici que al-bishara ça peut s'employer pour le bien, comme ça peut s'employer également pour le mal, avec des conditions bien sûr, lorsque c'est appliqué comme dans ce verset ici. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie annonce la bonne nouvelle aux hypocrites, c'est-à-dire ceux qui laissent paraître l'islam et qui cachent la mécréance, eh bien, annonce-leur la plus mauvaise et la plus laide de toutes les annonces et nouvelles, c'est-à-dire le châtiment douloureux. Donc, c'est pour en même temps se moquer des hypocrites. Comme ils se moquent, comme ils essaient de se moquer d'Allah et de se moquer des croyants, eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala se moque d'eux. Donc, il dit, annonce-leur la bonne nouvelle d'un châtiment douloureux. Et ça, c'est à cause du fait qu'ils aiment les kuffars, qu'ils les prennent pour alliés et qu'ils vont à leur aide et à leur secours. Et qu'ils abandonnent le fait de prendre les croyants pour alliés. Ils laissent de côté al-mu'alat pour les croyants. Donc, le cheikh, il dit, alors, qu'est-ce qui les a amenés à cela? C'est-à-dire, qu'est-ce qui les amène à prendre les koufars pour allier? Est-ce qu'ils recherchent auprès d'eux la puissance? Il dit, le cheikh, ça c'est la réalité de l'état des munafiqins, des hypocrites. Parce qu'ils ont pensé du mal à propos d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et leur certitude est devenue faible au sujet du fait que Allah subhanahu wa ta'ala donnera la victoire aux croyants, à ses serviteurs croyants. Donc eux, ils ont perdu la conviction en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont pensé du mal d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voulait dire qu'ils ont pensé que Allah subhanahu wa ta'ala n'allait pas venir en aide à ses serviteurs croyants et qu'il n'allait pas leur donner la victoire contre les kuffars et les mushrikines. Et ils ont constaté certaines causes chez les kuffars, certains moyens que les kuffars possèdent, donc ils ont été éblouis par ça, et ils ont vu avec une vision qui est courte, c'est-à-dire ils voient les choses uniquement à court terme, et ils ne voient pas plus loin, qu'est-ce qui se passe, ils n'essaient pas de voir les choses à long terme, ils voient uniquement les choses avec une vision qui est courte, ils ne regardent pas derrière. Et donc, ils ont pris les kuffars pour allier, dans le but de rechercher auprès d'eux la puissance et de leur demander la force, le support et la victoire. Et le cheikh explique que la réalité, en fait, c'est que la situation est que la puissance tout entière appartient uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que Allah subhanahu wa ta'ala tient le toupet de chacun de ses serviteurs par sa main. Et tout est contrôlé par sa volonté. Et sa volonté, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, elle est exécutée. Elle est exécutée. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est exécutée. Alors, c'est ce qui se produit. Et il s'est chargé de venir au support de sa religion et de donner la victoire à ses serviteurs croyants, même si il se peut qu'il y ait certaines épreuves qui arrivent aux serviteurs croyants et que la victoire soit espacée, qu'il y ait entre les différentes situations des espaces de défaite, de faiblesse, des choses de ce genre, et que les croyants soit par exemple éprouvés par des défaites ou des faiblesses, alors que les koufars pendant un certain temps aient le dessus et qu'ils aient des victoires sur les croyants, mais pas de façon permanente et perpétuelle, parce que l'établissement et la conclusion bonne appartient aux croyants uniquement. Et le cheikh dit que dans ce verset là il y a Allah subhanahu wa ta'ala nous dit des paroles pour nous faire craindre le fait de prendre les kuffars pour alliés, pour nous faire peur de prendre les kuffars pour alliés et d'abandonner les croyants, et que cela fait partie des caractéristiques des hypocrites, et que la foi donc la foi, elle implique que le croyant aime les mu'minines, les croyants. Que la foi pousse le croyant à aimer les croyants et à les prendre pour alliés, et à détester les kafirins, les kuffars, et aller et avoir pour eux de l'animosité. Le cheikh explique aussi que il dit wa anna dhalika min sifat al-munafiqin, c'est-à-dire de prendre les kuffars pour alliés et d'abandonner les croyants, que ça c'est parmi les caractéristiques des munafiqin. Donc quand vous voyez les des gens qui prennent pour alliés les kuffars, qui supportent leurs idées, leurs croyances, leurs principes, et qui se rapprochent d'eux en disant des paroles qui sont contraires à l'islam ou en faisant des choses qui sont contraires à l'islam, c'est, ça ce sont des caractéristiques des munafiqin. Le verset, la quatrième preuve que le cheikh a cité, c'est le verset 144 dans Sourate An-Nisa. Et le cheikh, d'après ce qu'on peut constater, il prend les versets dans l'ordre dans lequel on les retrouve dans le Mus'haf. Hein? Donc, il prend il cite le verset 144, qui est le verset suivant. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaykum sultanan mubina. C'est-à-dire, ô vous qui avez cru, ne prenez pas les mécréants comme alliés en dehors des croyants. Voulez-vous donner à Allah subhanahu wa ta'ala une preuve évidente contre vous-même? Hein? Voulez-vous donner à Allah une preuve évidente contre vous-même? Donc ça c'est le verset 144. Le cheikh Al-Allama Sa'di il dit à ce sujet, au sujet de ce verset, dans son tafsir, ولما ذكر أن من صفات المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين نهى عباده المؤمنين أن يتصفوا بهذه الحالة القبيحة وأن يشابهوا المنافقين فإن ذلك موجب لأن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أي حجة واضحة على عقوبتكم فإنه قد أنذرنا وحذرنا منها وأخبرنا بما فيها من المفاسد فسلوكها بعد هذا موجب للعقاب. انتهى كلامه رحمه الله. Donc ça c'est l'explication. Le cheikh il dit dans son tafsir à propos du verset 144 dans sourate An-Nisa, il dit, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné les caractéristiques des hypocrites dans les versets précédents, hein, 138, 139, et bien dans le verset 144, il mentionne, après avoir mentionné les caractéristiques des munafiqin, et que parmi ces caractéristiques-là, il y a le fait de prendre pour alliés les kafirines, les mécréants, en dehors des croyants, et bien Allah subhanahu wa ta'ala interdit à ses serviteurs croyants de posséder ce genre de caractéristiques-là et d'être dans un état de dans cet état qui est laide et de ressembler aux hypocrites. Donc il nous interdit de leur ressembler et il explique que cela impliquerait ou ferait en sorte qu'il donnerait à Allah subhanahu wa ta'ala une preuve évidente contre eux-mêmes. C'est-à-dire le fait d'agir comme les munafiqin et de prendre les kuffars pour alliés en dehors des croyants, eh bien ça représente en fait et ça implique obligatoirement qu'on donne à Allah subhanahu wa ta'ala une preuve évidente pour notre châtiment. On donne à Allah subhanahu wa ta'ala une preuve évidente pour notre châtiment. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis de ce châtiment-là et de cette conclusion-là. Et il nous a avertis de ce comportement-là également et de prendre les kuffars pour alliés. Et il nous a montré également les méfaits qu'il y a dans cette façon d'agir. Et donc le fait d'agir de cette manière-là, après avoir su les méfaits qu'il y a dedans et le mal qu'il y a dedans et les avertissements qui ont été donnés à ce sujet-là, eh bien, si on le fait par la suite, après avoir connu ces choses-là, eh bien, ça implique le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh, il mentionne ensuite dans le verset la preuve numéro 5 qui est mentionnée, c'est le verset 5, le verset 51 dans Surat al-Ma'idah. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Ici c'est le verset 51 qui est le verset qui mentionne ce qui signifie: ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. Ils sont alliés les uns des autres. Et quiconque d'entre vous les prend pour alliés est un des leurs. Et Allah ne guide certes pas le peuple injuste. Et Allah ne guide certes pas le peuple injuste. Donc, par rapport à ce verset, je voudrais juste vous lire en même temps les explications du Cheikh Al-Fawzan dans son livre Sharh Risalat al-Dala'il fi Hukm Muwalat Ahl al-Ishrak. Donc il mentionne des paroles à propos de ce verset. On va lire un peu de qu'est-ce qu'il explique dans ce livre, puis après on va revenir à la parole de Cheikh Al-Sa'di à propos de ce verset-là. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء اليهود والنصارى هم أهل الكتاب هم أهل الكتاب لا تتخذوهم أولياء لأنهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بكل الأنبياء فهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفروا بعيسى عليه السلام اليهود كفروا بعيسى وجحدوا رسالته والنصارى غلوا فيه وجعلوه إلها وجعلوه ابن الله أو ثالث ثلاثة أو قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Donc le cheikh il commence en disant que Allah subhanahu wa ta'ala il dit ce qui signifie: ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. Les juifs et les chrétiens, ce sont ceux qui ont eu le livre, ce sont ceux qui ont reçu le livre. Ne les prenez pas pour alliés, parce qu'ils ont mécru en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont rejeté la foi en le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque rejette la foi en un seul prophète, alors c'est comme s'il avait rejeté la foi en tous les prophètes. Donc ils ont rejeté la foi en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et ils ont rejeté également la foi en Isa alayhi salam. Les juifs en particulier, ils ont rejeté la foi en Isa, ils ne croient pas en Jésus. Et ils ont également renié son message et sa prophétie. Tandis que les chrétiens, ils ont exagéré à son sujet jusqu'à en faire une divinité et un dieu. Et ils ont fait de lui le fils de Dieu ou un des trois qui forment la divinité, hein, comme ils disent dans leur croyance. Ils disent que Dieu est trois en un, et ils disent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et ils disent que ça c'est la Sainte Trinité et c'est un mystère, hein. Ils disent que les trois sont Dieu, les trois sont trois personnes différentes. Donc ça fait partie de leurs fausses croyances et de leurs contradictions. Et ils mentionnent qu'ils disent également aussi que Allah c'est le Messie, fils de Marie. Donc ils croient que Jésus c'est Dieu. Ça fait partie des croyances et d'égarements qu'on retrouve chez les chrétiens, qui font que ce sont des koufars et des mouchriquines. Ce sont des mécréants et des mouchriquines, comme les juifs aussi, hein, les juifs aussi, puisqu'ils rejettent même la foi en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en Isa alayhi salam et en le Coran et en l'Injil. Donc le cheikh il dit ça c'est la religion des juifs et des chrétiens. شيخ هذا دين اليهود والنصارى فاليهود كفروا بعيسى وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم والنصارى كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وغلوا في عيسى حتى جعلوه إلها يعبد من دون الله ويسمونه الرب والمخلص إلى آخره أو المخلص إلى آخره وما يقولون في إذاعتهم الآن إذا سمعت إذاعتهم التي يسمونها صوت الإنجيل تجد هذيانهم الذي ذكره الله في القرآن يذكرون يكررونه الآن ولم يتخلوا عنه. إن الله ثالث ثلاثة، إن الله هو المسيح ابن مريم، وأن المسيح ابن مريم تجد هذا يرددونه الآن ما أقلعوا عنه. فإذا كان هذا اليهود والنصارى لا يتخذوهم فإذا كان هذا في اليهود والنصارى لا تتخذوهم أولياء مع أنهم أهل كتاب، فكيف بالمجوس؟ وكيف بعبدة الأوثان والمشركين؟ وكيف بعباد القبور؟ فهؤلاء أشد. donc le cheikh il dit que voilà la religion des juifs et des chrétiens. Les juifs, ils ont rejeté la foi en Jésus et ils ont rejeté la foi en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les chrétiens, ils ont rejeté la foi en Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ils ont exagéré et ils sont tombés dans l'extrémisme au sujet de Jésus, fils de Marie, jusqu'à ce qu'ils en fassent une divinité qu'ils adorent en dehors d'Allah et ils l'appellent le Seigneur et ils l'appellent celui qui est venu enlever les péchés de l'humanité ou des choses de ce genre. Et yani le reste également, le reste des choses qu'on entend maintenant dans leur chaîne de radio. Ils disent, si tu entends leur radio, qu'est-ce qu'ils disent sur les radios, comme par exemple la radio qu'ils appellent la voix de l'évangile, hein, il y a des voix, il y a des même des chaînes de radio qui diffusent leurs messages dans les pays du Moyen-Orient, puis des pays aussi des autres pays arabes. Ils ont des programmes en arabe pour essayer de prêcher le christianisme en langue arabe. Et donc le cheikh, probablement qu'il a entendu ça, et il a dit, tu trouves leur délire qu'ils mentionnent au sujet d'Allah, au sujet du Coran. C'est le délire qu'il mentionne, que Allah a mentionné, oui c'est ça, que Allah a mentionné dans le Coran à leur sujet. Il continue à le répéter jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire les choses que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans le Coran au sujet des chrétiens, hein, qu'est-ce qu'ils disent à propos de Jésus, qu'est-ce qu'ils disent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils continuent encore aujourd'hui à le dire. Ils ne se sont pas séparés de ces paroles-là et de ces croyances-là. Comme qu'est-ce qu'Allah dit dans le verset 73, dans Surat Al-Ma'idah, quand ils disent que Dieu est trois en un, ils disent que Allah est trois en un, ou que Dieu est trois en un, le troisième du trois, des choses de ce genre, ou que Allah est le Messie, fils de Marie, ou ainsi de suite, ou que le Messie est le fils de Dieu. Ça, c'est des choses qu'ils répètent encore aujourd'hui. Ils ne se sont pas détachés de ces paroles-là et de ces croyances-là. Donc, si ça c'est le cas, à propos des juifs et des chrétiens, et qu'on ne doit pas les prendre pour alliés, alors que ce sont des gens qui ont reçu le livre, alors que dire dans ce cas-là des majus, et que dire des adorateurs d'idoles et des mouchriquines, hein, et que dire des adorateurs des tombeaux, parmi ceux qui se disent musulmans, hein, c'est encore plus grave. Hein, c'est encore plus grave. Donc il ne faut pas les prendre pour alliés, il ne faut pas les aimer, il faut les détester. Et le cheikh dit wa qawluhu fanaha subhanahu al-mu'minina an ittikhadh al-yahud wan-nasara awliya awliya ya'ni bil-mahabbati wan-nusra. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de les prendre pour alliés, c'est-à-dire de les aimer et de les secourir. Et donc ça c'est à propos de ce verset là. Puis il y a un autre verset aussi où le cheikh expliquait d'autres points, mais on va les laisser pour la prochaine fois inshallah. On va lire maintenant qu'est-ce que cheikh Abdurrahman al-Sa'di mentionne maintenant dans son tafsir au sujet du verset 51 dans surat Al-Ma'idah. Donc الشيخ السعدي الذي يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بين لهم أحوال اليهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة أن لا يتخذوهم أولياء، فإن بعضهم أولياء بعض يتناصرون فيما بينهم ويكونون يدا على من سواهم، فأنتم لا تتخذوهم أولياء فإنهم الأعداء على الحقيقة ولا يبالون بضركم بل لا يدخرون من مجهودهم شيئا على إضلالكم فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم ولهذا قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم والتولي القليل يدعو إلى الكثير ثم يتدرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منهم إن الله لا يهدي القوم الظالم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أي الذين وصفهم الذين وصفهم الظلم وإليه يرجعون وعليه يعولون فلو جئتهم بكل آية ما تبعوك ولنقادوا لك انتهى كلامه رحمه الله. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala nous oriente, il oriente ses serviteurs croyants. Après avoir expliqué l'état et la situation des juifs et des chrétiens et de leurs mauvaises caractéristiques, de ne point les prendre comme alliés. Et qu'ils sont les alliés les uns des autres, c'est-à-dire qu'ils se viennent au secours des uns des autres et qu'ils s'entraident entre eux. Contre ceux qui ne font pas partie d'eux et qu'ils sont comme une seule main ensemble contre ceux qui ne sont pas parmi eux ou qui ne font pas partie d'eux. Alors vous ne les prenez pas pour alliés parce qu'ils sont en réalité des ennemis et ça ne leur fait rien de vous faire du tort. Ça ne leur fait rien de vous faire du mal et du tort. Même que, en réalité, ils n'ont aucune réserve dans les efforts qu'ils font pour essayer de vous égarer. Alors, il faut savoir, le cheikh dit alors, sachez que nul ne les prend pour alliés, excepté celui qui est comme eux. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Et celui qui les prend pour alliés parmi vous est un des leurs. » Et il explique maintenant les détails à ce sujet-là, parce qu'on en a parlé de ce verset-là dans les cours précédents. Il dit « لِأَنَّ التَّوَلِّ التَّامِ يُوجِبُ الْإِنْتِقَالِ إِلَى دِينِهِمْ » C'est-à-dire que si vous les prenez pour alliés de façon complète et totale, ça oblige que la personne entre dans leur religion et quitte l'islam. Dans le sens qu'il les prend pour alliés, ça veut dire qu'il les aime dans leur kufr et dans leur shirk, et il est d'accord avec leur croyance de mécréance, de shirk et de kufr. Dans ce cas-là, il quitte l'islam, il devient un mushrik et un kafir. Toutefois, s'il les prend pour alliés dans quelque chose de moindre, c'est-à-dire pas dans la croyance, pas dans les choses qui ont rapport avec leur kufr et leur shirk, mais dans des choses autres, soit dans des choses haram ou dans des choses de la dunya ou des choses comme ça, eh bien, ça peut amener une personne à entrer dans plus de wala, dans plus d'alliances avec eux, et il peut aller de cette façon-là graduellement, jusqu'à ce qu'il devienne un des leurs. Donc, c'est-à-dire que il faut faire attention de ne pas prendre les kuffars parmi les juifs et les chrétiens pour alliés. Et comme le cheikh il disait tout à l'heure, comme cheikh Al-Fawzan, il disait si ça c'est le cas à propos des gens du livre, ceux qui ont reçu un livre, et qui sont donc d'une certaine façon plus proches de la religion des prophètes que les autres êtres humains qui n'ont pas reçu de livre, alors si c'est le cas de ces gens-là qui ont reçu le livre, alors imaginez ceux qui n'ont pas reçu de livre. Parmi les mouchriquins et les autres koufars qui ne croient pas en un livre. C'est encore plus dangereux de les prendre pour alliés. Et le cheikh il dit ensuite, la suite du verset, « Inna Allah la yahdi al-qawm al-talimin » Allah ne prend pas, Allah ne guide pas les peuples injustes, c'est-à-dire ceux qui ont comme caractéristique l'injustice et qui reviennent et qui il se base sur l'injustice, même si tu leur montres toutes les preuves et tous les signes ils ne vont pas te suivre et ils ne vont pas se soumettre à ce que tu leur dis. Donc ça, c'est la fin de cette explication du Cheikh Abdurrahman al-Sa'di à propos de, du verset 51 dans Surat Al-Ma'idah. Le sixième verset qui est mentionné comme preuve à propos de Al-Wala wal-Bara, c'est le verset 57 dans Surat Al-Ma'idah. Le verset 57 dans Surat Al-Ma'idah qui dit, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iba min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqu allaha in kuntum mu'minin. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés ceux qui ont pris votre religion pour amusement et jeu, parmi ceux qui ont reçu le livre avant vous et parmi les mécréants. Et craignez Allah si vous êtes croyants. Ne prenez pas, ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés ceux qui ont pris votre religion comme jeu et amusement, parmi ceux qui ont reçu le livre avant vous et parmi les koufars. Et craignez Allah si vous êtes croyants. Donc ça, c'est un verset qui est très important, surtout à notre époque, des koufars qui se moquent de la religion et qui se moquent de l'islam, hein, et qui prennent la religion comme une risée et comme un jeu, hein, et qui prennent la religion comme si c'était quelque chose de d'amusement ou des choses comme ça, de ne pas les prendre pour alliés. Tu vois, parmi des, certains qui se disent musulmans, qui vont vers ces gens-là et qui agissent avec eux comme s'ils sont des amis avec eux. A'ouzou billah. Donc, le Cheikh dit, « قال العلامة السعدي ينهى الله عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن سائر الكفار أولياء يحبونهم ويتولونهم ويبدون لهم أسرار المؤمنين ويعاونونهم على بعض أمورهم التي تضر الإسلام والمسلمين وأن ما معهم من الإيمان يوجب عليهم ترك موالاتهم ويحثهم على معاداتهم وذلك وكذلك التزامهم لتقوى الله الذي هي امتثال أوامره واجتناب زواجره مما تدعوهم إلى معاداتهم وكذلك ما كان عليه المشركون والكفار المخالفون للمسلمين من قدحهم في دين المسلمين واتخاذهم إياه هزوا ولعبا واحتقاره واستصغاره خصوصا الصلاة التي هي أظهر شعائر المسلمين وأجل عباداتهم إنهم إذا نادوا إليها اتخذوها هزوا ولعبا وذلك لعدم عقلهم ولجهلهم العظيم وإلا فلو كان لهم عقول لخدعوا لها ولا علموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تتصف بها النفوس فإذا علمتم أيها المؤمنون حال الكفار وشدة معاداتهم لكم ولدينكم فمن لم يعاديهم بعد هذا دل على أن الإسلام عنده رخيص وأنه لا يبالي بمن قدح فيه أو قدح بالكفر والضلال وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيء فكيف تدعي لنفسك دينا قيما وأنه الدين الحق وما سواه باطل وترضى بموالاة من اتخذه هزوا ولعبا وسخر به وبأهله من أهل الجهل والحمق وهذا فيه من التهييج على عداوتهم ما هو معلوم لكل من له أدنى مفهوم. انتهى كلامه رحمه الله. Donc le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, il dit ici dans son tafsir du verset 57 dans Surat Al-Ma'ida, il dit: Allah subhanahu wa ta'ala interdit aux croyants de prendre les gens du livre parmi les juifs et les chrétiens et les autres koufars comme alliés. Les autres koufars, ça peut impliquer les hindous, les bouddhistes, yani les athées, les laïcs, les communistes, les socialistes et tous les autres koufars qui qui ne font pas partie des musulmans. Donc tous les koufars, sans exception, de ne pas les prendre pour alliés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il avertit, il interdit à ses croyants, à ses serviteurs croyants, de prendre pour alliés les gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens, et tous les autres koufars. C'est-à-dire, il nous interdit de les aimer et de les prendre pour alliés. Donc il nous interdit de leur montrer les secrets des croyants et de les aider dans certaines de leurs affaires qui font du tort à l'islam et aux musulmans. Donc ça, c'est l'attitude qu'on retrouve de la part de certains hypocrites qui vont chez les koufars et qui commencent à leur dire des secrets des musulmans et de les aider dans des choses qui font du tort à l'islam et aux musulmans. On voit ça dans l'attitude de certains munafiqin, surtout ceux qui quittent les pays musulmans pour venir vivre dans des pays de kufr, puis qui après on les voit main dans la main avec les koufars en train d'insulter et de maudire l'islam et les musulmans et les pays musulmans et de ne parler que du mal des pays musulmans aux koufars. On a vu plein d'exemples de munafiqin qui agissent comme ça et qui se moquent de ce que font les musulmans dans les pays musulmans, et qui se moquent des dirigeants musulmans, et qui se moquent des pratiques islamiques, et du hijab, et de la barbe, et de d'autres pratiques de ce genre. Donc ça, c'est des choses que Allah nous interdit de faire. Donc il dit ensuite, le cheikh il dit: وَأَنَّ مَا مَعَهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ يُجِبُوا عَلَيْهِمْ تَرْكُوا مُوَلَاتِهِمْ. Donc ce que les croyants ont comme foi doit les empêcher et les faire abandonner de prendre pour alliés ces gens-là et les incite à les détester et à les prendre en animosité. وَكَذَلِكَ أَلْتِزَامُهُمْ لِتَقْوَى اللَّهِ. Et de même qu'ils doivent rester sur la piété, sur le fait d'obéir à Allah et de s'écarter de ce qu'il a interdit par amour pour et par espoir en son paradis et par crainte de son châtiment. Parce que la taqwa, c'est ce que ça signifie. Ça veut dire que tu implémentes les ordres d'Allah et que tu t'écartes de ce qu'il nous interdit de faire. Et donc ça, le fait que quelqu'un est à taqwa, eh bien ça l'amène à détester les koufars et à les prendre en animosité. C'est pas possible que quelqu'un, en fait, qu'est-ce que le cheikh explique ici, c'est que c'est pas possible que quelqu'un se dise musulman, croyant, puis que par la suite, dans son cœur, lorsqu'il parle des koufars et des mouchriquins, lorsqu'il est en présence des koufars et des mouchriquins, qu'il n'y a pas quelque chose dans son cœur qui le fait se sentir mal par rapport aux koufars et aux mouchriquins. Qu'il n'y a pas quelque chose dans son cœur qui l'amène pas à les détester, et à détester leurs actions, et à détester leurs paroles, et à détester leurs croyances. C'est pas normal, c'est pas possible. Même si t'es un musulman, tu vois des musulmans qui font des péchés, c'est pas possible si t'es un croyant que ça te dérange pas ces péchés-là quand tu les vois en train de les faire. Tu détestes qu'est-ce qu'ils font. Donc si c'est le cas pour des musulmans qui font des péchés, tu dois détester ce qu'ils font et ce qu'ils disent qui est haram ou qui est mauvais ou qui est kufr et shirk. Alors qu'est-ce que ça doit être pour les koufars et les mouchriquins et les autres et les gens du livre et les autres? C'est encore plus grand. Donc c'est ça en réalité. C'est quelque chose qui doit venir du fond de ta foi, de ton cœur, que ça t'amène à ça, à détester ça, à détester ces gens-là. Et il dit وَكَذَلِكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُشْرِكُونَ وَالْكُفَرِ. Et de même que tout ce que ces koufars et ces mouchriquins font parmi ce qui vient en contradiction avec l'islam et qui contredit ce que pratiquent les musulmans. المخالفون للمسلمين من قدحهم et en particulier lorsqu'ils insultent et qu'ils attaquent la religion de l'islam et qu'ils prennent l'islam comme moquerie et comme jeu et qu'ils méprisent l'islam et qu'ils le rabaissent et en particulier le cheikh mentionne la salat qui fait partie des symboles religieux de l'islam les plus importants et des plus grandes formes d'adoration qui existent dans la religion. Donc on voit que les koufars, lorsqu'on appelle à la salat, ils prennent ça comme une blague, comme un jeu, et ils rient de ça, ils se moquent de ça. Ça c'est parce qu'ils n'ont pas de raison, et parce qu'ils ont une grande ignorance. Et que si ces gens-là avaient un minimum de raison, eh bien ils se seraient soumis, et ils seraient devenus humbles devant cet ordre, devant cette adoration-là, et ils auraient su que c'est une des plus grandes formes de mérite et de grâce qui peut, par laquelle une âme peut être décrite lorsqu'elle fait cette adoration-là. Alors, lorsque vous avez su cela, ô vous les croyants, et que vous avez connu l'état des koufars et la sévérité de la haine qu'ils ont pour vous et pour votre religion, alors celui par la suite qui ne les prend pas en animosité, qui ne les déteste pas à cause de ça, eh bien c'est la preuve que pour lui l'islam a peu de valeur et que yani, ça ne lui dérange pas qu'on l'attaque ou qu'on l'insulte. Yani, ça ne le dérange pas qu'on l'attaque et qu'on l'insulte et qu'on le rejette et qu'on le traite d'égarement ou des choses comme ça. Et ça c'est le cas lorsque des koufars par exemple sont en train de se moquer de la religion d'Allah et que eux ils sont parmi les koufars avec eux et en train de rire avec eux parce qu'ils sont au travail ou bien ils sont ailleurs parmi les koufars et les koufars commencent à se moquer des musulmans et de l'islam. Et puis eux, ils ne disent pas un mot et ils ne s'écartent pas de ces gens-là lorsqu'ils agissent de cette façon. Allah nous ta'ala. Donc le cheikh il dit وَأَنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنَ الْمُرُوءَةِ وَالْإِنْسَانِيَةِ شَيْءٍ. Donc ceux qui disent de l'islam que l'islam ne possède rien de bien ni aucune forme d'humanisme, alors comment cette personne-là peut prétendre avoir une religion lorsqu'elle entend ces gens-là en train de dire ça et qu'elle reste en leur présence? Donc le cheikh il dit كيف تدعي لنفسك دينا قيما وانه الدين الحق وما سواه باطل. Comment tu peux prétendre que tu es sur la religion de la droiture et que c'est la religion de la vérité et que tout ce qui est en dehors de cette religion-là est faux, et puis tu es satisfait de prendre pour allié ceux qui prennent ta religion comme amusement et jeu et qui se moquent de cette religion et des musulmans parmi les gens de l'ignorance et de la stupidité. Et donc ça, le cheikh dit, il y a dans ce verset-là, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, une incitation à détester et à prendre en animosité les gens qui agissent de cette manière-là, pour toute personne qui a un minimum de compréhension de la religion. C'est-à-dire que toute personne qui a un minimum de compréhension, il voit que dans ce verset-là, il y a une incitation à détester et opposer ces gens-là. Le verset 80 dans Sourate Al-Ma'ida, ça c'est la septième preuve que le cheikh a mentionné. C'est le verset 80 et 81. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ ولكن كثيرا منهم فاسقون. ولكن كثيرا منهم فاسقون. Donc, ce sont deux versets qui signifient: tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants. Comme est mauvais, certes, ce que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru le courroux d'Allah. Et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. S'ils croyaient en Allah, au prophète et à ce qui lui a été descendu, c'est-à-dire à ce qui lui a été révélé, ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés. Mais beaucoup d'entre eux sont pervers. Puis, le cheikh, il n'a pas cité le verset qui vient après, mais ça rentre aussi dans le sujet. وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Donc le verset 82, tu trouveras certainement que les juifs et les mouchriquins sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent: nous sommes chrétiens, c'est parce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Et le verset 83, 84 et 85, on voit la suite qui explique que ce sont des gens qui se sont convertis à l'islam par la suite. Pas que certains d'entre eux essaient de déformer le sens de ce verset. Donc, on va maintenant lire l'explication du Cheikh Saadi, qu'est-ce qu'il dit à propos de ce verset-là. Et également, on va voir qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan il dit. Parce qu'il y a une explication dans le livre Sharh Risalat al-Dala'il fi Hukm Muwalat Ahl al-Ishraq. Cheikh Al-Fawzan il parle de ces deux versets-là dans le Sharh qu'il a fait de ces versets. C'est dans Sharh Risalat al-Dala'il, c'est le verset 9 et 10, ou la preuve 9 et la preuve 10, qui expliquent ces deux versets. On va lire la parole de Cheikh Al-Fawzan, puis ensuite on lira la parole de Cheikh Saadi. Cheikh il dit: قوله ترى كثيرا منهم أي اليهود يتولون الذين كفروا مع أن اليهود أهل كتاب وأهل دين وأتباع ملة فإنهم يتولون الكفار الذين لا دين لهم وهم أعداء للرسل وأعداء للكتب يتولونهم يعني يحبونهم بقلوبهم ويناصرونهم ويعينونهم مع أنهم كان المفروض أن يتبرأوا منهم لأنهم أعداء دينهم وأعداء رسل الله وأعداء الكتب فكان الواجب أنهم يتبرؤون منهم فلا يحبونهم ولا يناصرونهم فيتميزون عنهم ولكنهم بالعكس يتولون الذين كفروا التولي هو المحبة والمناصرة وغير ذلك من الميول القلبية والفعلية إلى الكفار. Donc le cheikh il dit: tu vois beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire parmi les juifs, qui prennent pour alliés les kuffars, malgré que ce sont eux-mêmes des kuffars, mais ce sont des kuffars parmi les gens du livre, des gens qui ont reçu un livre, qui ont connu la religion, qui ont connu la voie des prophètes. Et malgré ça, ils prennent pour alliés les koufars qui n'ont pas reçu de livre, qui n'ont pas de religion. Et qui sont ennemis des messagers et ennemis des livres. Et eux, ils les prennent pour alliés. C'est-à-dire qu'ils les aiment avec leur cœur, qu'ils leur viennent en aide, qu'ils les supportent, qu'ils les aident. Alors que ils auraient dû plutôt se désavouer d'eux, hein, parce qu'ils sont des ennemis de leur religion et des ennemis des messagers d'Allah et des ennemis des livres. C'est comme aujourd'hui, tu vois, les juifs, beaucoup de juifs, ils prennent pour alliés qui? Les laïcs, hein, et les socialistes, les communistes et plein d'autres groupes parmi les gens qui ne croient à aucune religion, aucun livre, aucun prophète, aucun messager, hein. Et ils prennent pour alliés les chrétiens qui adorent Jésus, qui prennent, hein. Donc tout ça, c'est des exemples comment ces gens-là prennent pour alliés des gens qui rejettent même la base du message des prophètes d'Allah, hein. Et ils détestent qui? Ils détestent les gens qui aiment les messagers d'Allah et les livres d'Allah et les prophètes, les musulmans, hein. Donc le cheikh, il dit, il aurait été obligatoire pour eux, ou bien il est plutôt obligatoire pour eux, de se désavouer d'eux et de ne pas les aimer et de ne pas leur venir en aide et de ne pas les défendre et de se distinguer d'eux. Mais eux, ils font le contraire. يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا, c'est-à-dire ils prennent pour alliés les mécréants. Et التَوَلِّي, cheikh dit التَوَلِّي يَتَوَلَّوْنَ, ça veut dire les aimer, les défendre, les aider, venir à leur défense. Et beaucoup d'autres également parmi les penchants du cœur et des actions vers les kuffars. وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ. La bi'sa, allam, hiya, hadihi, mu'ti'a, mu'ti'atun lil-qasam. Wal-qasam huna mahzouf, ka'anna taqdir, wallahu a'lam, wallahu, wallahi, la bi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum, min mahabbati al-kuffari wa muwalati al-kuffar. Fadal ala anna man ahabba al-kuffar wa walahum faqad qaddamat li, فقد قدمت له نفسه شرا, وما الذي قدمت أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ذكر الله سبحانه وتعالى عقوبتين. Donc le cheikh il explique. Donc le cheikh il dit, comme est mauvais ce que leur âme a préparé pour eux-mêmes, ce que leur âme a préparé pour eux-mêmes, le cheikh il dit, la bi'sa ici, c'est comme si le lame qui est en avant de bi'sa, c'est pour le serment que Allah prend. C'est comme si le serment il a été omis, c'est-à-dire il n'a pas été mentionné. Mais qu'est-ce qui est sous-entendu dans le verset, il dit Wallahu a'lam, c'est que Allah dit et par Allah, comme est mauvais ce que leur âme ont préparé pour eux-mêmes, hein, ce que leur âme ont préparé pour eux-mêmes, c'est-à-dire leur amour des koufars et le fait qu'ils prennent les koufars pour alliés, hein, c'est ça qui est mauvais. Et ce que leur âme a préparé de mal pour eux-mêmes, c'est le fait qu'ils aiment les koufars. Et donc, le cheikh, il dit que celui qui, il dit ça, c'est la preuve que celui qui aime les koufars et qui prend pour allier les koufars, alors il a préparé du mal pour son âme. Et c'est quoi qu'il a préparé comme mal pour son âme? An sakhit Allahu alayhim wa fil adhabihum khalidun. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont encouru le courroux d'Allah et qu'ils seront châtiés, ils s'éterniseront dans le supplice, ils s'éterniseront dans le châtiment. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à leur sujet deux châtiments. Cheikh dit, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné à leur sujet deux châtiments. Al-uqubatul ula, le premier châtiment, an sakhit Allahu alayhim. C'est-à-dire qu'ils ont encouru le courroux, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. يعني غضب, غضب عليهم. فهذا فيه أن الله يوصف بأنه يسخط ويغضب كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه يسخط ويغضب ويكره الأعمال الكفرية والشركية ويكره أهلها ويبغضهم ويسخط عليهم, فدل على أن محبتهم توجب غضب الله أن محبتهم توجب أن محبتهم توجب غضب الله لأن الواجب على المؤمن أن يحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله فإذا أحب ما يبغضه الله كرهه كره كره ما يحبه فإذا أحب ما يبغضه الله وكره ما يحبه الله فهذا دليل على انحرافه عن الدين. Donc le cheikh explique que le premier châtiment, c'est qu'ils ont la colère d'Allah sur eux. Et ça, c'est la preuve que Allah est décrit. On peut décrire Allah par la colère et par le fait qu'il déteste et qu'il se met en colère contre des personnes, hein, et qu'il déteste des choses. Comme cela convient à sa majesté et à sa grandeur, hein, d'une colère qui lui convient et qui n'est pas comparable à la colère des créatures. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il se met en colère, hein? Et il a un courroux, et c'est à dire aussi qu'il déteste les actions de kufr et de shirk, et il déteste les gens qui font le kufr et le shirk, et il est en colère contre eux. Et cela donc cela prouve que leur amour des kuffars, eh bien, ça amène pour eux la colère d'Allah. Donc, le fait d'aimer les kuffars amène la colère d'Allah. C'est ça que ça signifie. Et il dit que il est obligatoire pour le croyant qu'il aime ce que Allah aime et qu'il déteste ce que Allah déteste. Donc, celui qui aime ce que Allah déteste ou qui déteste ce que Allah aime, eh bien, ça, c'est la preuve qu'il a une déviation dans sa religion. Ensuite, le deuxième châtiment, c'est « وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ » c'est-à-dire qu'ils seront éternellement, ou qu'ils s'éterniseront dans le châtiment. « أَيْ هُمْ بَقُونَ فِيهِ بَقَاءً مُؤَبَّدًا لَا يَبْقَى فِي الْعَذَابِ بَقَاءً مُؤَبَّدًا إِلَّا الْكَافِرِ فدل ذلك على أن هذا النوع من موالاة كفر بالله عز وجل يجب الخلود في النار. Donc le cheikh il dit ça c'est le deuxième châtiment, c'est qu'ils s'éterniseront dans l'enfer. Le cheikh il dit qu'ils vont rester éternellement dans le châtiment, et nul ne restera éternellement dans le châtiment excepté le mécréant, le kafir. Hein? Donc ça, c'est la preuve que cette forme de mu'alat, cette forme d'amour, est une forme de kufr, hein, en Allah, de rejet de la foi en Allah, et que c'est quelque chose qui oblige de rester éternellement en enfer. Hein? Lorsque quelqu'un aime les kuffars et le kufr et le shirk, pour le kufr et le shirk qu'ils font. Juste un instant. Donc, où en étions-nous? Naam. Donc, c'est ça. Celui qui aime les kuffars et les mushrikines, hein, dans leur kuffre et dans leur shirk, et qui est d'accord avec leurs croyances, ça, c'est un kuffre akbar qui fait sortir de l'islam et qui fait en sorte que la personne reste éternellement en enfer. Donc, ça, c'est un point très grave et très dangereux. Et le verset qui vient par la suite, qui est le verset 81 ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. C'est-à-dire, et s'ils croyaient, s'ils auraient cru réellement en Allah et au prophète et en ce qu'il a révélé sur lui, ils ne les auraient pas pris comme alliés, mais la plupart d'entre eux sont des pervers, sont des fasiqoun. Le verset donc 81. Le cheikh explique, il dit أي خارجون عن طاعة الله عز وجل. فاسقون, ça veut dire qu'ils sont sortis de l'obéissance d'Allah سبحانه وتعالى. خارجون عن الإيمان, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de la foi. فدل على أن موالاة الكفار تنافي الإيمان وأنها علامة على عدم الإيمان وأن موالاة الكفار فسق. Donc le cheikh il dit que Ça, c'est la preuve que de prendre les kuffars pour alliés, c'est quelque chose qui vient opposer et nier la foi. Donc, c'est un signe de l'absence de la foi et que de prendre les kuffars pour alliés, c'est une forme de fisq, une forme de perversité, de péché. Donc, ça, c'est le verset en question. Et le cheikh il dit ensuite à propos de ce verset là, il dit وَهِيَ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ اتِّخَاذَ الْكُفَّارِ أَوْلِيَاءَ يُنَافِي الْإِيمَانِ. On l'a dit, فَاسِقُونَ, on a expliqué le fisq. Et il a expliqué le cheikh, il dit que الفسق, لِأَنَّ الفسق فسقان. Le fisq il est de deux catégories. فِسْقٌ أَصْغَرْ بِارْتِكَابِ الْكَبَائِرِ الَّتِي دُونَ الشِّرْكِ وَهَذَا لَا يُخْرِجُ مِنَ الْمِلَّةِ وَالثَّانِي فِسْقٌ أَكْبَرْ وهو فسق الكفر والشرك كما في قوله تعالى كان من الجن ففسق عن أمر ربه إبليس عليه لعنة الله فسق أي خرج عن طاعة الله وهذا فسق أكبر. Donc le cheikh il explique que يعني le fisc il est de deux catégories. Il y a le petit fisc, le fisc mineur, qui est le fait de commettre des grands péchés qui sont moindres que le shirk et qui ne font pas sortir de la religion, et le fisc majeur qui est le fisc de la, du kufr et du shirk, c'est-à-dire de la mécréance et de, du fait d'associer avec Allah dans l'adoration. Et ça c'est l'exemple de ce qu'on retrouve dans le verset 50 dans sourate Al-Kahf, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit كان من الجن à propos de Iblis, il dit qu'il faisait partie des djinns et il a fasaqa fa fasaqa an amri rabbih, c'est-à-dire qu'il est sorti de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant un acte de kufr. Et donc ici il a fait un acte de fisq, et ici c'était une forme de fisq majeur lorsque Iblis a rejeté l'ordre d'Allah de se prosterner, par exemple. Donc ça, c'est un exemple ici. Donc ça, c'est pour qu'est-ce qui est dit par qu'est-ce que le cheikh Al-Fawzan explique ici dans ce verset. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? On va lire la parole de cheikh Sa'di. Qu'est-ce que le cheikh Sa'di dit à propos de ce verset? Puis on va s'arrêter à cette explication-là. Le cheikh il dit à propos du verset en question: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا بالمحبة والموالاة والنصر لبئس ما قدمت لهم أنفسهم هذه البضاعة الكاسدة والصفقة الخاسرة وهي سخط الله الذي يسخط لسخطه كل شيء كل شيء والخلود الدائم في العذاب العظيم فقد ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت لهم هذا النزل غير الكريم وقد ظلموا أنفسهم إذ فوتوها النعيم المقيم ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء فإن الإيمان بالله وبالنبي وما أنزل إليه يجب على العبد موالاة ربه وموالاة أوليائه ومعاداة من كفر به وعاداه وأوضع في معاصيه فشرط ولاية الله والإيمان به أن لا يتخذ أعداء الله أولياء فهؤلاء لم يوجد منهم الشرط فدل على انتفاء المشروط ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله والإيمان به وبالنبي صلى الله عليه وسلم ومن فسقهم موالاة أعداء الله. Donc le cheikh, ça c'est انتهى كلامه. Donc le cheikh il résume tout ce qu'on a vu dans la parole de Cheikh Al-Fawzan, c'est-à-dire tu vois beaucoup d'entre eux, c'est-à-dire d'entre les juifs, qui prennent pour alliés ceux qui ont mécru parmi ceux qui n'ont pas de religion et qui n'ont pas de livre, et ainsi de suite. Et ils les aiment, et ils les prennent pour alliés, et ils leur viennent en aide, et ils les défendent, et ainsi de suite. Comme est mauvais ce que leur âme a préparé pour eux-mêmes. C'est-à-dire que ils ont préparé pour, leur âme a préparé pour eux-mêmes le châtiment, la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre une personne, eh bien tout est en colère contre cette personne. Tout ce qui est dans l'univers est en colère contre cette personne aussi. Et également, comme châtiment, ils ont l'enfer éternel, le châtiment éternel qui les attend aussi. Non, parce qu'ils se sont fait une injustice à eux-mêmes. En agissant de la manière dont ils l'ont fait, et en prenant pour allier les koufars. Et donc, ils ont fait à leur âme manquer le délice éternel du paradis. Et s'ils avaient cru en Allah et au jour dernier, s'ils avaient cru en Allah et au prophète et en ce qu'il a fait descendre sur lui, ils n'auraient pas pris les koufars comme alliés. Et ça s'applique pas juste aux juifs, mais ça s'applique aux musulmans aussi. Que s'ils avaient cru réellement en Allah et au prophète et à ce qu'il a révélé sur lui, ils n'auraient pas pris les koufars comme alliés. Donc, innal iman billah wa bin nabi. Donc le fait de croire en Allah et au prophète et en ce qu'il a révélé, c'est quelque chose qui fait en sorte que le serviteur devienne ou prenne pour allié son Seigneur et ils prennent pour allié aussi les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les croyants et qu'ils détestent, et qu'ils détestent celui qui rejette la foi en Allah et qui il s'oppose à Allah subhanahu wa ta'ala et qui plonge dans sa désobéissance, qui va dans sa désobéissance. Donc c'est une condition pour avoir l'amour d'Allah et l'alliance d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir la foi. Une des conditions de ça, c'est que tu ne prennes pas pour allier les ennemis d'Allah. Et ceux-là, ils n'ont pas eu cette condition-là. C'est-à-dire les juifs, ils n'ont pas eu cette condition-là, et donc c'est la preuve qu'ils n'auront pas la récompense promise pour ceux qui ont cru. Et donc, il dit « Walakinna kathiran minhum fasiqun » mais beaucoup d'entre eux sont des pervers, c'est-à-dire qu'ils sont sortis de l'obéissance d'Allah et de la foi en Allah et en son prophète. Et parmi les exemples de leur fisq, de l'obéissance d'Allah, il y a le fait qu'ils prennent pour alliés les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on va s'arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui, et puis on reprendra la semaine prochaine à la suite de ces versets-là. On est arrivé donc au verset 8 et on a expliqué que le cheikh il a mentionné en tout 13 versets. Donc, il nous reste encore quelques versets à lire, environ 5 versets, pour arriver à l'explication de toutes ces preuves dans le Coran au sujet de Al-Wala ou Al-Bara. Donc, on va s'arrêter ici, puis demain, on lira ensemble l'explication du livre Kashf al-Shubuhat, le Sharh de Sheikh Ibn Baz, Inch'Allah. Donc, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين